Chapitre 7. Le jour monte. Helgvor dormait encore quand le jour monta. Accroupi près des cendres, Jorg succombait au sommeil. Il y avait de la joie dans les arbres et sur la terre. La nuit semble chaque fois éternelle, parce que la mort rôde, parce que tous les faibles craignent d'entrer dans le ventre des forts. Quand les ténèbres sont vaincues, l'espoir est sans borne, les passereaux enflent leur petite poitrine, tournée vers la fournaise salutaire. Jorg toucha doucement Helgvor. Helgvor se dressa d'un bloc comme les bêtes, il était toujours prêt. Et déjà, il tenait la massue. Les yeux de Jorg ont cessé de voir et ses oreilles d'entendre, dit l'enfant. Jorg peut dormir, répondit le guerrier. Le soleil, vaste encore dans les ramures, dardait une lumière d'ambre. Elle fondait les vapeurs que la brise déchirait sur la cime des arbres. La curée était finie. Les os ne laissaient que leurs ossements. Et du tigre même, la chair avait disparu. Mais parce qu'il vivait encore, l'ours tenait les mâchoires à distance. Helgvor aspira l'air jeune, l'air créateur. Sa jeunesse monta dans un flot de bonheur, sa victoire l'emplit d'une force intarissable. Tournant les yeux vers les deux femmes et le petit enfant, il crut qu'Amao était morte. Puis il vit la poitrine s'élever et s'abaisser, imperceptiblement. Glava, épuisé par la perte de son sang, sommeillait. Le loup et le chien, éveillés par la faim, tournèrent vers Helgvor des yeux confiants. Ils eurent leur ration de viande séchée, et ranimant le feu, l'Ougmar fit retirer la part de l'homme. La force mystérieuse de la nourriture accrut la douceur de vivre et la tendresse imprécise du guerrier. Ses femmes, ses enfants, le loup et le chien même, sauvés par son courage et ses muscles, furent des prolongements de sa personne. Quand le soleil eut déchiré les vapeurs, Helgvor franchit l'enceinte et trouva les carcasses des tsos près de la carcasse du tigre qu'achevait de nettoyer les bêtes puantes. À l'approche du guerrier, l'ours gris dressa sa tête grouillante d'insectes. Une brume couvrait ses prunelles, ses plaies béantes pourrissaient et sa faim paraissait inévitable. Pendant que Helgvor s'arrêtait pour l'examiner, une pénible menace s'esquissa sur les lèvres velues. « Le grand ours ne chassera plus, » dit le nomade. « Il a longtemps fait trembler le cheval, le cerf, l'élan et l'auroch même. Il a tué le tigre. Le grand ours est presque aussi fort que le mammouth, et le grand ours va mourir. » C'était déjà le temps où les hommes se plaisaient à mêler des paroles aux circonstances, et les Ougmar aimaient les discours. « Le grand ours va mourir, » répéta le chasseur. « Il sera déchiré par le chacal, par le loup et par l'hyène. Mais sa chair est bonne aussi pour l'homme, et l'Ougmar n'a plus assez de chair pour nourrir les femmes et les enfants. Le grand ours donnera sa chair. » Une biche passa qu'une flèche aurait pu atteindre. Helgvor songea obscurément qu'il valait mieux laisser vivre la biche, propre à générer la vie, et saisissant une sagaie, il choisit la place où il atteindrait le cœur du colosse. L'arme s'enfonça et fouilla. L'ours poussa un rauquement d'agonie, mais sa faiblesse était si grande et si semblable à la mort qu'il tressaillit à peine. « Le grand ours aurait souffert jusqu'au soir, » reprit le fils de Stra, « et peut-être le loup et l'hyène l'auraient dévoré pendant qu'il vivait encore. » Il acheva de ramasser les flèches éparses, quelques outils laissés par les tsos et quelques sagaies, trois haches de bronze. Puis il revint vers l'ours, découpa les deux cuisses et des tranches tendres. La peau était belle. Peut-être la détacherait-il plus tard s'il n'était pas inquiété. La soif desséchant sa gorge, il chercha de l'eau et découvrit une source qui le désaltéra. Puis il retourna vers l'enceinte. Tout était tranquille. Le chien et le loup s'étaient remis à dormir. Mais Glava s'éveillait. Son sang ne coulait plus. Ses blessures n'étaient pas profondes. Et penché sur Amao, le cœur lourd, elle gémissait. Amao ne mourra pas, dit le nomade. Glava comprit ses gestes et un sourire courut sur son visage ensanglanté. Puis, voyant ses bras rougis et noircis, elle désira les laver. D'ailleurs, elle avait soif chose trop naturelle pour qu'il ne la devinât point, et il montra la sylve. Helvor a découvert une source. Il y avait trois gourdes grossières faites de peau, dont l'une appartenait à Helvor, dont les deux autres avaient été trouvées sur les tseaux. Le guerrier montra qu'il allait les remplir, et Glava voulut l'accompagner, mais ses jambes tremblaient encore. Helvor ira avec Yolg. Il laissa venir aussi les bêtes. Quand Glava fut désaltérée, elle se cacha derrière un gros bloc où elle lava ses bras, son visage et sa poitrine. Pendant ce temps, Helgvor avait rôti de la chair, et comme elle apaisait sa faim, il trouvait du plaisir à voir ce visage clair et ses yeux où brillait la lueur des fleuves. « Pourquoi ne ressemble-t-elle pas aux Zo ?» se demandait-il. Tourné vers Amao, il comparait la tête cubique, le grand visage, les mâchoires lourdes de l'aînée aux traits légers de la plus jeune. Leur teint aussi différait étrangement. Celui d'Amao avait la couleur d'une écorce de chêne, avec des teintes cuivrées. Celui de Glava était presque blanc, comme la fleur du catalpa. Amao avait le torse épais, comme le torse des laits. Glava, flexible comme les jeunes biches, était haute et vive. Amao est la fille des rocs, mais Glava est semblable aux filles du fleuve bleu et des lacs verts. Orgueilleux de l'avoir sauvée, et saisi d'une douceur mystérieuse aussi émouvante que l'odeur du matin, il l'admirait encore parce qu'elle avait combattu avec le courage et l'adresse d'un guerrier. Cependant, Amao s'éveilla au cri de son petit enfant. Quoiqu'appesantie de stupeur, elle reconnut sa compagne. « Amao est sauvé, » disait Glava. « Le grand guerrier du fleuve a exterminé ceux qui voulaient nous faire mourir. » La jeune femme écoutait vaguement. Tout était vertigineux. Les images tournaient devant elle. Elle répéta d'une voix creuse. « Amao est sauvé ?» Elle but évidemment de l'eau, mais ne put rien manger. Et pendant que Glava lui lavait le visage, elle se rendormit. Helgvor méditait, comme peut méditer un guerrier, aux dangers, aux ennemis, aux bêtes. Il ne songeait guère à reprendre la piste des Tsos, car il comptait que Glava guiderait la tribu. Mais qu'était devenu le sixième ennemi dont le chien et le loup ne retrouvaient point la trace? Il ne pourrait se rembarquer. Souvent le fleuve était trop rapide, même pour être remonté par plusieurs hommes. Dans une pirogue spacieuse, un seul rameur serait impuissant. L'homme rejoindrait-il les Tsos à pied? La route était longue, surtout pour un blessé. Lougmar appela l'enfant. « Écoute, Helgvor et le chien, Yolg et le loup, vont chercher la piste de l'homme des rocs blessé. Helgvor ira moins loin que Yolg, afin de veiller sur l'enceinte. Yolg ne combattra pas. Lorsqu'il aura vu le Tso, il reviendra. » « L'homme des rocs est blessé, » fit l'enfant. « Peut-être le loup pourra le détruire. » « Yolg ne combattra pas, » ordonna encore Helgvor. « Yolg demeurera invisible. » Et il reviendra lorsque le soleil déclinera. Aucun guerrier ne savait mieux que l'enfant se confondre avec les herbes, les fougères ou les buissons. Yolg se cachera comme un renard, répondit-il. Ils cherchèrent la piste. Helgvor revenait par intervalles à proximité de l'enceinte, tandis que Yolg poussait de longues reconnaissances dans la sylve. Sa mémoire des sites, extraordinaire, lui donnait l'image des moindres détours de l'exode. Beaucoup de bêtes lourdes ayant passé, la trace du Tso demeurait insaisissable. Yolg suivait l'orientation qui devait le conduire à la rivière et au marécage, mais avec de longs lacets à droite et à gauche. Le loup, lui, aidait. Moins docile à la voix du petit qu'à celle de Helgvor, il faisait de capricieuses randonnées. Presque en même temps, l'enfant et la bête retrouvèrent la trace du fugitif. C'était dans une terre humide où les pieds enfonçaient leurs empreintes. À cause de leur nombre, peut-être aussi parce qu'il jugeait son avance trop grande pour être atteint, le Tso n'avait rien tenté pour effacer les traces de son passage. Yolg les laissa longuement flairer par le loup et reprit sa poursuite, redoublant de prudence, et son œil de jeune épervier dilaté dans les pénombres. Un grand orgueil enflait sa poitrine gracile, l'âme des guerriers s'exaltait dans son crâne. À la fin, l'homme devint visible. Couché sur le sol, affaibli, las et farouche, enfiévré par sa blessure, il songeait funèbrement à la défaite de Camre et ses compagnons. Perdu dans les ténèbres, il avait assisté à la lutte, et quand les Tzos eurent succombé, il était parti dans la sylve. À peine s'il avait dormi, éveillé par Tresso, saisi de panique, car sans la force de la main droite et malgré sa hache de bronze, il était devenu un animal débile. Au matin, la tête lui tournait, et il entendait bruire dans ses oreilles la menace de choses secrètes. C'est un signe néfaste qui souvent annonce la mort aux guerriers blessés. Le bruit devenait plus fort à mesure que le soleil chauffait les ramures. Tsum, fils de Leilaf, avait appliqué des herbes sur la plaie, mais les herbes ne le soulagèrent point. La blessure était noire et brûlante, la main battait comme une poitrine. Alors, couché au pied d'un sycomore, il subit la peur d'être seul, loin des cavernes et loin des guerriers. La défaite de Khamr l'accablait comme une autre blessure. Sa race avait faibli, et cette faiblesse l'atteignait aux entrailles. Il revit l'expédition victorieuse, les vieillards et les enfants exterminés, parce qu'il faut frapper l'ennemi dans sa descendance. Il revit l'enlèvement des femmes et celle qui devait être son partage. « Les Tzos sont les plus forts », affirma-t-il pour se donner du courage et parce qu'il avait le sentiment profond de la race. Caché parmi les arbustes, Yolg tremblait en le reconnaissant. C'était celui-là même qui avait saisi la mère et tué l'aïeul de l'enfant. Parce qu'il était si jeune, Yolg se consolait déjà, mais à la vue du Tso incendiant ses souvenirs, ils se ravivèrent dans une clarté aveuglante et soulevèrent l'enfant de fureur. Il songeait. Le Tso n'a pas de sagaie et sa main est malade. Yolg et le loup sont les plus forts. Le guerrier, homme au torse épais, aux jambes brèves et aux bras longs, avait un visage énorme et des cheveux crépus qui descendaient sur le front dur et les sourcils. Ses yeux, pareils aux yeux des bisons, s'écartaient vers les tempes. Sa force devait égaler celle des grands sangliers. L'enfant retenait le loup et se disait ardemment « Yolg ne doit pas combattre. » Mais le Tso a pris la mère de Yolg. Le loup flairait l'émanation du guerrier, que le mal rendait plus forte, et se souvenait de celui qui l'avait étranglé la veille. Subitement, il échappa à l'étreinte de l'enfant et se glissa au pied de l'arbre auprès duquel gisait le blessé. Sa marche était aussi silencieuse que le vol des oiseaux de nuit, mais il effraya un lièvre qui s'enfuit éperdument. Alors le Tso s'étant retourné, vit le loup, et sa hache dans la main gauche, il se redressa fièrement. « Tso m'a tué 10 loups. Un loup n'est pas plus fort qu'un chevreuil devant la hache des Tso. Tsum se rit du loup. » Les yeux du loup phosphorèrent. Ceux de Tsum luisaient de fièvre. Et l'homme mentait. Il avait peur. Il avait peur parce qu'il était sur le sol étranger, parce que les voix sifflaient plus fort dans ses oreilles, parce que Khamr avait péri malgré sa force et parce que le loup avait des allures étranges. « Tsum donnera du sang aux vies cachées, » promit-il. Le loup tournait autour de l'homme. Il avait une nuque puissante et de belles dents tranchantes. Il les montrait en écartant les lèvres d'un air sournois et féroce. Tsum fit tournoyer sa hache de bronze bien affilée. Tsum a tué des loups plus grands que le loup noir. Adossé au sycomore, il ne voyait pas Yolg qui approchait, allongé sur le sol comme une couleuvre. Le loup flairait la faiblesse de l'homme, et voyant venir Yolg, il ne bougea plus. Il regardait obliquement. Le fils de Leilaf, assuré qu'il avait effrayé le loup, cria plus fort. D'un seul coup de hache, Tsum peut fendre la tête du loup. Une piqûre aiguë à la cuisse le fit tressauter. Puis il boita. La sagaie de Yolg venait de l'atteindre. Saisi, le guerrier se détourna, et pendant qu'il se détournait, d'un élan le loup lui bondit à la nuque. Alors l'enfant retira la sagaie et frappa un nouveau coup. Le guerrier croula comme un arbre déraciné, tandis que le fauve achevait de l'étrangler. Dans un éclair, Tsum vit les rocs, les cavernes, les guerriers et les femmes. Puis il tomba dans les ténèbres de l'agonie. Le loup buvait son sang chaud. Yolg, se souvenant des paroles et des gestes des guerriers, clama d'une voix stridente. « Yolg et le loup noir ont tué le grand guerrier. Yolg et le loup sont les plus forts. » Quand il revint près de l'enceinte avec la hache de bronze et la fourrure du Tso, l'enfant dit. Yolg ne voulait pas combattre, mais n'a pu retenir le loup. Eletzo avait enlevé la mère de Yolg. Yolg a deux fois percé la cuisse d'Utso, et le loup noir l'a étranglé. « C'est bien, » dit Helgvor en posant la main sur la tête du petit. « Yolg sera un guerrier et même un chef quand les temps seront venus. » Une joie sans borne emplit la poitrine de l'enfant. Au bout de 2 jours, les blessures de Glava furent vaincues. Le sang ne coulait plus, les chairs étaient sèches, le mal s'éveillait à peine, hors la nuit, et la jeune fille marchait sans fatigue. Amao guérissait plus lentement. Toutefois, riche de jeunesse, sa vie renaissait. Déjà l'habitude unissait l'homme et les deux femmes. Elles admiraient sa force, sa stature et son courage. Suivant l'instinct des ancêtres, Amao était pleine de soumission, prête à obéir au commandement de celui qui lui semblait maintenant son maître. Glava différait autant de sa sœur que la louve diffère de la biche. Une force de liberté était en elle, la même qui l'avait entraînée loin des cavernes homicides, la même qui l'avait amenée par les solitudes et fait combattre comme un guerrier. Insoumise, elle se tenait auprès de Helgvor comme une égale. Lui, par sa nature et en souvenir du courage qu'elle avait déployé, concevait cet orgueil et l'acceptait. D'ailleurs, elle l'intimidait un peu, et cette timidité lui dispensait une telle douceur qu'il ne songeait pas à la combattre. Ils unissaient leurs savoirs et leurs adresses. Glava maniait mieux l'aiguille à chat et savait tisser. Helgvor fabriquait des armes fortes et des outils délicats avec la pierre, avec la corne, avec les os. Mais les armes abondaient. On avait ramassé les sagaies, les massues, les haches de bronze, les arcs, les flèches d'Etso. Helgvor affilait les pointes et les tranchants. Les paroles et les gestes qu'ils échangeaient en grand nombre devinrent moins obscurs. Glava apprenait la langue des Ougmars. Ses souvenirs, naguère effacés, remontaient à la surface. Les mots de l'aïeul facilitaient l'entendement des autres mots. Lui n'essaya guère de comprendre la langue d'Etso, qui lui semblait haïssable. Il connut bientôt que Amao était destiné au sacrifice, quand Glava l'avait contrainte à la fuite. Il sut aussi que l'Etso habitait à l'amont du fleuve, à plus de 2 lunes de marche des Ougmars. Depuis la mort de sa mère, Glava n'avait que de mauvais souvenirs, excepté ceux qui se rattachaient à Amao. Elle haïssait plus profondément l'Etso qu'avant l'Exode, sachant que s'il reprenait les fugitives, celle-ci devrait périr. Ainsi, son sort était lié au sort du fils de Stra. Dans la présence de Glava, le nomade goûtait des sensations à peine connues. Plus tardives dans leur croissance que l'Etso, les jeunes Ougmars, jusqu'à l'âge fixé par les anciens, n'avaient pas le droit d'avoir une femme. On gardait les filles avec sévérité à cause de la descendance. On ne les unissait pas à ceux qui n'avaient point marché résolument sur les terres de chasse ou de guerre. Ainsi, beaucoup d'ignorance se mêlait chez Helgvor au pressentiment de l'amour. Glava était plus instruite, car l'Etso obéissait à des instincts brutaux et sensuels. Mais ce qu'elle avait vu de l'union des hommes et des femmes la remplissait d'horreur. Le chef, ou Urm, ou un vieillard désigné, rompait avec une pierre les canines de la jeune fille, signifiant ainsi que la femme est désarmée dès qu'elle est destinée à devenir la compagne d'un guerrier. Ensuite, le guerrier s'avançait et frappait la femme sur le crâne. Et lorsque l'union avait été ainsi consacrée, la femme devenait l'esclave. Elle travaillait pour l'homme et pour les enfants. Il pouvait la battre et même la tuer sans encourir aucun châtiment. Car celui qui aurait pu la venger, le frère de sa mère, ayant reçu la rançon, renonçait à tout droit. Ses coutumes remplissaient Glava d'horreur. Elle redoutait comme un jour de supplice, le jour où elle serait livrée à Xam, le sanglier noir au corps fétide. Elle savait aussi combien Amao avait été rudoyé. Les coutumes des Ougmars, croyait-elle, devaient être semblables à celles des hommes du roc. En réalité, elles étaient moins rudes. L'aube d'une tendresse était venue pour cette race. On ne brisait pas les dents canines des femmes. Ceux qui voulaient être fiancés à une adolescente ou à une veuve devaient obtenir l'aveu de la mère et du frère de la mère, ou de celui qui succédait au frère mort. Ensuite, il devait découvrir la jeune fille cachée et la poursuivre après avoir attendu le temps qu'un homme met à parcourir 3000 coudées. Elle écoutait, dissimulée, selon son astuce ou son caprice, dans les roseaux, dans les buissons ou dans la ramure d'un arbre. Le guerrier cherchait la piste. Il y avait un délai qu'il ne devait point dépasser. S'il ne la découvrait pas assez vite, il devait attendre une lune, puis l'épreuve recommençait. Mais dans l'intervalle, la mère ou l'oncle pouvaient faire un nouveau choix. S'il réussissait, souvent avec la complicité tacite de la femme, il payait la rançon en armes, en pierres brillantes, en peau de bête. Puis son mariage était déclaré devant les vieillards et les chefs. Ces choses, Glava n'en avait aucune idée. Elle aimait d'être avec Elgvor. Elle admirait sa stature et même son visage. Mais elle n'imaginait pas que cet homme d'une race lointaine pût être son compagnon pour la vie. Elle ne souhaitait aucun lien, sinon celui imprécis et tendre qui les unissait. Lui ne savait guère. Il tressaillait lorsque les grands yeux, où se mêlaient la couleur bleue du fleuve et la couleur rousse des feuilles mortes, se levaient vers lui. Il frémissait lorsque la grande chevelure qu'elle baignait dans la source effleurait son bras ou son épaule. Il trouvait agréable les dents aussi brillantes que les jeunes dents du loup, la démarche flexible et le courroux. Mais il ne songeait pas à l'avenir, ivre de sensations flottantes comme des odeurs. Peut-être était-il plus tranquille parce qu'aucun autre homme n'errait autour d'eux et qu'ainsi la fureur qui aveugle les cerfs, les élans et les passereaux ne pouvait pas naître. Il y avait des heures si douces que le nomade oubliait la menace du monde. Au matin, quand les vagues de la lumière ont chassé les vapeurs, un songe immense et sans forme croissait avec la patience des grands sycomores, la subtilité des fougères et les rumeurs des eaux vagabondes. Alors Glava devenait la vie de la vie, un mystère redoutable qui étonnait l'homme et l'inquiétait. Parfois, songeant qu'elle était étrangère, un souffle de violence le traversait, et il se disait qu'elle pouvait être son esclave. Mais lorsqu'il revoyait la lueur des yeux fauves, il n'y avait plus dans toute sa chair qu'une humilité éblouie. On avait retrouvé la pirogue des femmes et celle des Tzo, plus grande et plus rapide. Le sixième jour, Amao ayant repris des forces, ils quittèrent l'enceinte granitique.